À votre avis, un écrivain doit avoir vécu ce qu'il raconte. Il doit être une sorte de témoin qui s'est presque fait tuer pour l'histoire qu'il veut raconter. Il faut payer. Et payer pas au simili, payer vraiment. Faut payer, n'est-ce pas? Le véritable collaborateur, c'est la mort. Les démons m'emportent, m'accordent le bénéfice du doute. Je mise tout, une fois mort, la brebis aura-t-elle peur du loup? Trinque au bord du précipice, nos bouches cachent des rubis. Subit plein fouet un monde qui chante la pisse. L'enfer me donne des ordres, je vois le temps qui défile. Mais paraît-il, au paradis, l'horloge est sans aiguille. Rien de neuf dans les parages, les pieds scellés devant le bar tabac. Je veux pas te perdre ton bal, on m'oubliera dans deux dimanches. Des placards comme un pyromane, à qui on a promis la lune. Face contre terre, les gyrophares éclairent nos mines. Tant qu'il y aura déjà Catali et compagnie, on n'aura pas fini de boire le calice jusqu'à la lie. À l'image du patriarche, briser les parages dans ce maquis. Les défauts se maquillent comme un jour de mariage. En paix avec la vie, j'ai moins d'inspi, je suis pas un site. Elle m'a laissé, c'est ce que je dis, me lis. Comme un clef sans salaire. On vient polluer ton game comme un game praise. On a beau se torturer la bouche à couche des mêmes phrases. Poussi mes spells, pousse mes gousses à la rédemption. Au milieu des païens, on s'accroche à nos traditions. On vient polluer ton game comme un game praise. On a beau se torturer la bouche à couche des mêmes phrases. Poussi mes spells, pousse mes gousses à la rédemption. Au milieu des païens, on s'accroche à nos traditions. Ouais, killer, terroriste équilibré, funambule décérébré. Cultive mon savoir, polie mes armes. Ma plume, mon épée, prends des coups sans broncher. Fortifie mon âme, j'avance, paradoxe vivant. J'ai qu'une existence dans leur matrice des dégénérés. Aucune absence matrice de plus que le monde dont j'ai rêvé. L'œil de l'astronome, j'ai pas hélas. J'traîne au sein de ton hexagone. Va, viens, comme un métronome, j'perds pas, j'apprends. Me nourris de ce monde vide, creuse le ciel en sifflant. La foule demande du sang et moi je souris devant la création divine. Spectacle à coupe et souffle, je veux faire le tour, mais il me faut du vie. Multiplie les actes méritoires, illumine mon aura. Pour les rois sans couronne qui ont eu l'audace d'y croire, j'reste roi et pas besoin. Ceinture, le pantalon tient bon. On joue des coups de prendre notre place au royaume des ombres. On vient polluer ton game comme un game praise. On a beau se torturer la bouche à couche des mêmes phrases. Poussi mes spells, pousse mes gousses à la rédemption. Au milieu des païens, on s'accroche à nos traditions. On vient polluer ton game comme un game praise. On a beau se torturer la bouche à couche des mêmes phrases. Poussi mes spells, pousse mes gousses à la rédemption. Au milieu des païens, on